Julie voulait bien chanter quelque chose. On se dirait que le monde est en métamorphose. Y aurait moins d'oranges qui roulent par terre. Et avec un peu de chance, ce serait Julie elle-même qui se roulerait par terre à nous dire que la vie c'est beau quand on la chante avec des airs et des oranges en l'air. Si Julie voulait bien chanter quelque chose, y aurait, je suis sûr, moins de gens qui souffriraient de cirrhose. Y aurait moins d'oranges au goût trop amer. Et avec un peu de chance, ce serait Julie elle-même qui nous dirait que la vie c'est pas si éphémère. On se lève tous les matins avec l'essentiel dans les mains, et puis nos rêves en l'air. Si Julie voulait bien nous chanter quelque chose, on se dirait que la vie c'est pas si morose. Y aurait moins d'oranges, seul et solitaire. Et avec un peu de chance, ce serait Julie elle-même qui nous montrerait du doigt les anges qui sont là-bas quand la lune éclaire les oranges en l'air. Et voilà, elle veut pas, le monde est foutu. Peut-être demain.